celle meuf cathé, c'est art, j'fais kiffer les hardeuses et j'baise les poucaveuses. À coups de perceuse dans les yeux, appelle-moi docteur check-in. Mes jazz sont clean, ouais, la nuit je deal. J'ai du H, de la weed, j'peux t'avoir des produits fluides. Comme ma conduite sur le périph', jamais en retard. J'pile sur les radars, j'remets les gaz et j'redémarre. Car j'ai la dalle, ouais, j'ai l'esprit vandale, okay. Quand j'croise un kiff, mes yeux sont braqués sur son arme. J'ai ouais, le mental ouais, du ouais. Val de Marne, j'vends des grammes pour graille. Mais y'a trop de volailles, j'm'en bats les couilles, j'barote. Toujours en Air Max, aucune preuve relâchée. Au bout de 24 heures, c'est le désordre. Tu le dealer, mais j'ai jamais peur. Quand tu es devant qui, quand tu es devant l'inspecteur. Quand tu es devant qui, quand tu es devant l'inspecteur. Aïe aïe aïe, 9-4-120. 9-4, c'est le Val de Marne. Fontenay, c'est l'esprit vandale. On a la foi, on a le mental. Quand on paiera, on fait du mal. Val 200 balles. 9-4, c'est le Val de Marne. Fontenay, c'est l'esprit vandale. On a la foi, on a le mental. Quand on paiera, on fait du mal, vague 200 balles. Derrière le micro, je représente ma ville. Moi je veux que Sarko et puis tous les civils. Comme une peine au tribunal, je veux que mon rap fasse mal. J'ai la rage comme un putain d'oiseau en cage. À cause de l'état, je crée des dommages sur un bon beat, je peux pas me taire. Si je viens, je te nique, faut que je nique ta mère. Avec de l'oseille, je prendrai d'assaut l'Elysée. Avec mon shit, je prends d'assaut les lycées. 9-4, c'est le Val de Marne. Fontenay, c'est l'esprit vandale. On a la foi, on a le mental. Quand on paiera, on fait du mal. Val 200 balles. 9-4, c'est le Val de Marne. Fontenay, c'est l'esprit vandale. On a la foi, on a le mental. Quand on paiera, on fait du mal. Val 200 balles. Et au pire au bide, j'ai pas d'attitude, j'suis pas l'artiste, j'suis un notice. Dans sa bulle, s'il lui vient pas de calcul. Merde frère, j'suis dans la bu, eh oh, sans parler à l'imagag. Artrak, kawa, malbac, au gradé de la swag, mauvaise comme au karma. Pour du baisse, les boîtes baissent en capote. Le temps roi, c'est j'vais pris. Dans les embouteillages du jackpot, fais des zoos dans mon crâne, c'est le souk. Toujours pas de zoom à couille, pas boule quand c'est dans le gouffre. Faut le vrai de ça de mazout. Arrête sont chuchotés, en 9-4 sauvage, non c'est plus de la punchline. C'est des enchaînements de coups de coude, c'est 1 pour la mif, 2 pour le bif, 3 pour mon shit. Mes bitches et pour le reste, on s'en fiche. Le gars suivi du R, encore à l'air de déjà vu. C'est le négro et le tismé, en train de pisser sur le comico t'as vu. Des phrases clichés comme n'importe quel raclot, si t'es figé. Pisté par les suppos de Sarko, l'anatomie modifiée. Trop de liqueur et de narcotique. Je vais payer mon train de vie diabolique. Si je crève tout de suite, il en reste même des traces dans mon crâne. Mes cheveux, mon sang, mes yeux, mes urines. Et même dans mon sperme, mon dieu, RER1, RER2, c'est Val 2, c'est la Kirave. Arabe noir et tout bas, pénave comme toi les caravanes. Gamin des Vatos, Logos, comme Chicanos, Lotos, Malheur, Risot, c'est un melting pot. C'est une ville pas comme les autres, mais c'est la nôtre. Pour ça qu'on aime et la supporte. Ouais, ouais, ouais, mon pote, c'est pas de ma faute si mes propos. À supporte les gens de la haute. K.O.R.S.O, Nagas Pearson, mais de la réverb que ça résonne. J'déballe mes saletés, encore un déchir cyclé, j'm'en bats les reins. J't'ai déjà dit, j'suis pas MC, c'est que le début. T'as toujours un entendu, mec ton. J'balance un éclaireur, mes lyrics, espion. J'déballe mes saletés, encore un déchir cyclé, j'm'en bats les reins. J't'ai déjà dit, j'suis pas MC, c'est que le début. T'as toujours un entendu. Mec ton, j'balance en éclaireur, mes lyrics, espion. 26 berges de victoire et de défaite, de taspé, de traite, de galère et de merde, de pack, de bière et de joint d'herbe. Rouge, jaune, vert, un crâne flou, la menace fantôme, le cas suivi du R.